Plusieurs d'entre nous payent le prix, car ils n'ont pas eu le courage d'obéir à Dieu. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. La vie est une suite interminable de décisions. À quelle heure est-ce que je me lève? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange pour dîner? De nombreux choix sont faits en fonction de nos préférences personnelles et ce sont presque de simples habitudes. C'est bien lorsqu'il est question de décider si nous prenons un café ou un thé avec notre repas, mais si nous nous appuyons sur nos sentiments pour prendre des décisions importantes et majeures, nous risquons de courir tout droit au désastre. Si nous croyons en Dieu, si nous vivons pour Dieu et si nous désirons prendre des décisions sages, nous devons chercher conseil auprès de Dieu et avoir le courage d'obéir. Charles Stanley traite de ce sujet dans l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que les personnes qui vous connaissent bien diraient que vous êtes courageux ou que vous êtes peureux? Quelle est votre émotion prédominante lorsque vous faites face à une situation difficile, à de l'opposition ou à un danger? Est-ce que vous cherchez à sauver votre peau ou êtes-vous prêt à prendre position pour ce qui est juste et vrai? C'est ce dont je veux parler avec vous dans ce message intitulé « Le courage d'obéir ». Je vous invite à ouvrir votre Bible au premier chapitre du livre de Josué. À notre époque, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont le courage d'obéir à Dieu. Josué est un exemple d'homme à qui Dieu a confié une mission majeure et qui a eu le courage de lui obéir. Moïse a dirigé la nation d'Israël que Dieu a libérée de l'esclavage en Égypte. La nation a reçu les 10 commandements au mont Sinaï et ensuite elle a traversé le désert pour entrer dans la terre promise. Le peuple n'a pas fait confiance à Dieu et il s'est rebellé. Dieu a fait errer le peuple 40 ans dans le désert tant que la génération rebelle n'a pas péri. Le peuple approche de nouveau la terre promise et il est prêt à conquérir le pays. Dieu rappelle Moïse à lui, c'est à Josué que revient la tâche de faire entrer le peuple dans le pays et de le conquérir. Écoutons ce que Dieu dit à Josué. Nous trouvons le texte dans Josué, chapitre 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce texte peut nous encourager lorsque nous devons faire face à des difficultés dans notre vie. Avant d'aller plus loin, entendons-nous sur le sens du mot « courage ». Le courage, c'est un état d'esprit qui nous permet de faire face aux dangers et aux obstacles et d'affronter les défis sans crainte, avec fermeté et avec un esprit calme. C'est ce qu'est le courage. Ainsi, lorsque nous parlons du courage d'obéir à Dieu, nous entendons faire face aux défis que Dieu nous donne, non avec crainte et incertitude, mais avec calme, fermeté et intrépidité. Cet état d'esprit est le résultat d'une foi en Dieu et d'une confiance qu'aucune situation ne peut dépasser Dieu. J'aimerais souligner trois choses au sujet du texte biblique que nous avons lu. Premièrement, il faut souvent du courage pour obéir à Dieu. Nous, les croyants, trouvons souvent très difficile de faire ce que Dieu nous demande. Parfois, Dieu nous confie une tâche ou une mission et nous lui disons « Mon Dieu, tu dois faire erreur. Il est impossible que je puisse faire cela. » Cependant, Dieu ne fait jamais d'erreur, mais il met notre foi à l'épreuve. Il nous fait grandir spirituellement en nous confiant des tâches et des missions et en permettant que nous fassions face à des circonstances, des situations, des obstacles et des tribulations. Ces occasions font croître notre foi et nous affermissent. Car Dieu nous démontre sa fidélité et la puissance qu'il nous a donnée pour surmonter ces épreuves. Souvent, nous avons peur d'obéir à Dieu. Parfois, nous trouvons difficile d'obéir parce que cela demandera un sacrifice et un engagement de notre part. Plusieurs membres ont quitté notre Église pour étudier au séminaire. Certains étaient mariés et pères de 2 ou 3 enfants. Pensez à tout ce que peut ressentir cet individu. Il quitte un bon emploi avec un bon salaire et des avantages sociaux pour aller étudier au séminaire. Il abandonne une situation qui lui offre une sécurité alors qu'il a une femme et des enfants. Il devra trouver un nouvel emploi. Il doit aller en classe, faire ses travaux et travailler le soir. Ça ne peut pas être facile de gérer une telle situation. Lorsque Dieu appelle une personne à faire cela, il faut du courage pour aller de l'avant et suivre Dieu. Parfois, Dieu permet que nous subissions une ou des attaques de plein front provenant de personnes qui ne nous aiment pas. Cela peut se produire au travail. Par exemple, quelqu'un qui vous déteste peut vous demander de faire une chose que vous savez être mauvaise. La requête va à l'encontre de vos convictions et des principes bibliques. Vous devrez alors vous tenir debout avec courage et annoncer que vous ne ferez pas ce qu'on vous demande, car cela va à l'encontre de votre foi chrétienne. Ou bien, vous devrez accepter de faire ce qu'on vous demande en faisant des compromissions. Parfois, Dieu permet que nous nous trouvions dans des situations pénibles. C'est dans de telles occasions que nous découvrons ce que sont les autres et qui nous sommes vraiment. Nous sommes tous prêts à dire que nous croyons la Bible et que nous prenons position pour Dieu coûte que coûte. Cependant, le jour de l'épreuve, je suis étonné de voir des personnes qui font face à des difficultés n'osent même pas ouvrir leur Bible en public. Avez-vous déjà remarqué que les gens évitent de parler de Dieu? Ils se sentent mal à l'aise lorsque le sujet vient sur le tapis. Savez-vous pourquoi les gens n'aiment pas parler de Jésus-Christ? Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur relation avec lui. Si vous n'êtes pas à l'aise dans votre relation avec le Seigneur Jésus et que cela vous gêne de parler de lui, il vous sera difficile d'obéir et de faire ce que Dieu exige de nous. Parfois, quelqu'un nous blesse émotionnellement. Nous n'aimons pas la douleur que cela provoque dans notre âme. Cependant, prenez note du fait que si vous obéissez à Dieu, vous serez parfois rejeté. Je ne parle pas d'être rejeté par tout le monde, mais par la famille, par les amis et par les collègues de travail. Dieu sait qu'accomplir les tâches ou la mission qu'il nous confie demande du courage. Examinons le cas de Josué pendant un bref instant. Nous penserions qu'en apprenant qu'il succédait à Moïse à la tête du peuple, qu'il se serait réjoui. « Alléluia! Je loue Dieu! Dieu est bon! Merci, mon Dieu! Tu me confies ton peuple! Alléluia! » Réfléchissons plutôt sur ce à quoi Josué a dû faire face. D'abord, il remplaçait l'homme qui était un père pour la nation d'Israël. Moïse était le seul chef que la plupart d'entre eux avaient connu. C'est lui qui les avait fait sortir d'Égypte et qui les avait libérés de leur état d'esclavage. C'est Moïse qui les avait conduits au mont Sinaï. C'est lui qui avait passé 40 jours sur la montagne pour obtenir les lois de Dieu. Il les avait accompagnés pendant tout leur séjour dans le désert et il les avait maintenant amenés une deuxième fois à la frontière de la terre promise. Josué s'est vu confier une énorme responsabilité. Par la suite, Dieu lui a demandé d'accomplir une chose que Moïse n'avait pas réussi à faire. Il lui a dit, « C'est à toi de compléter la mission de Moïse. » Moïse n'avait pas pu, en effet, faire entrer le peuple dans la terre promise, car il s'était rebellé contre lui. Le peuple avait refusé de croire en Dieu. En conséquence, il avait dû errer 40 ans dans le désert. Finalement, le peuple devait conquérir un territoire occupé par 7 nations ennemies. Ces nations étaient bien armées et elles avaient même des chariots. La nation d'Israël avait peu d'expérience militaire et presque pas d'armes. Aussi, elle devait assiéger des villes très fortifiées telles que Jéricho. Il y avait même des habitants de très grande taille sur une partie du territoire. Le terme de géant avait d'ailleurs été employé 40 ans auparavant par Josué, Caleb et les 10 autres espions pour décrire les habitants du pays. Seuls Josué et Caleb avaient recommandé d'aller de l'avant et de prendre le pays. Les 10 autres espions avaient refusé. La nation d'Israël avait préféré croire le rapport des 10 espions plutôt que celui des 2 voix dissidentes. La désobéissance et l'incrédulité des 10 éclaireurs leur ont coûté la vie. Je me demande combien d'entre nous payent un prix énorme pour leur désobéissance parce qu'ils n'ont pas eu le courage de prendre position pour Dieu dans des moments difficiles. C'est dans l'éternité que nous découvrirons probablement toute la vérité à ce sujet, quoique nous pourrions reconnaître les conséquences de notre désobéissance sur terre. Nous pouvons facilement fuir certaines situations, mais pas si notre fuite est un acte de désobéissance à Dieu. Nous ne pouvons pas simplement décider de ne pas obéir à Dieu. De plus, la manne ne tombait plus du ciel. Josué devait nourrir le peuple. Comment s'y prendrait-il pour nourrir quelques millions de personnes? En fermant la valve de la manne, Dieu avait dit que le peuple devait vivre des produits de la terre et du pays. Cependant, Josué devait certainement craindre une chose. Il prenait en effet la direction d'un peuple rebelle de nature qui s'était souvent révolté contre Moïse. Lorsque Dieu a dit à Josué qu'il lui confiait le commandement du peuple, il n'a pas dû sauter de joie. Il a plutôt dû demander à Dieu de répéter pour être certain qu'il avait bien entendu. En fait, la plupart d'entre nous aurions fait comme Josué. Nous aurions essayé de nous enfuir. Cependant, comment pouvons-nous nous cacher de Dieu? Essayer de courir pour fuir Dieu équivaut à courir sur place, car Dieu est omniprésent. Josué était disposé à obéir à Dieu, non à cause de ses capacités personnelles, mais à cause de sa foi dans les promesses spécifiques de Dieu. Je ne sais pas à quoi vous faites face présentement. Cependant, je sais une chose. Si vous êtes disposé à laisser Dieu travailler dans votre vie, il vous rendra capable d'y faire face avec intrépidité, audace, bravoure et calme. Il vous accordera la victoire si vous marchez selon ses principes. C'est ce que j'espère vous faire découvrir dans notre texte, car Dieu l'exprime clairement. Il est intéressant de noter que Dieu a répété la même chose à Josué à 3 reprises. Pourtant, Dieu s'exprimait clairement, et Josué écoutait. Alors, pourquoi a-t-il répété la même chose à 3 reprises? Relisons quelques extraits du texte. Relisons les versets 6, 7 et 9. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi est-ce que Dieu dit à 3 reprises à Josué de se fortifier et de prendre courage? Il y a une raison bien simple, et j'aimerais que vous la reteniez. Lorsque vous priez, et que vous cherchez la volonté de Dieu au sujet d'une chose, Dieu répond clairement. Il vous répond une première fois et vous l'entendez. Cependant, il répète sa réponse plusieurs fois. Dieu n'a pas d'objection à se répéter. Et ce, pour une raison bien simple. Il sait que nous sommes des écouteurs frêles. Il sait que nous entendons tout le brouhaha du monde et que sa voix n'est pas la seule qui parvient à nos oreilles. Il arrive que nous ne soyons pas exactement sur la même fréquence que Dieu, et parfois nous ne l'entendons pas bien. Parfois nous entendons sa voix, mais nous n'en croyons pas nos oreilles. Dieu sait qu'il doit se répéter afin que nous comprenions que le message qui nous étonne vient réellement de lui. Pourquoi Dieu a-t-il répété à trois reprises la même chose à Josué? Dieu savait ce à quoi Josué ferait face. Il savait que Josué aurait à dire à ses soldats de faire silencieusement le tour des murailles de Jéricho pendant 6 jours pour ensuite retourner à leur tente. Je ne suis pas certain que Josué leur ait expliqué toute la stratégie le premier jour. Il est possible qu'il l'ait fait un jour à la fois. Si Josué avait exposé tout le plan de Dieu, il y aurait peut-être eu une mutinerie. En entendant Josué exposer la stratégie de Dieu, le peuple aurait peut-être conclu qu'il n'était pas l'homme de la situation. Imaginez, demander à son armée de faire silencieusement un tour des murailles une fois par jour pendant 6 jours et d'en faire 7 le 7e jour, puis ensuite de pousser des cris qui feront tomber la muraille. Quelle armée ne se poserait pas des questions au sujet de ses généraux en recevant de tels ordres? De plus, Dieu savait que Josué était un être humain et qu'il agirait comme tout soldat humain agirait. Après la victoire sur Jéricho, les soldats désiraient un peu de repos. Ils baisseraient leur garde et Josué n'enverrait alors qu'un petit nombre d'hommes contre la petite ville d'Aï. Dieu savait que l'armée subirait une défaite contre Haï. Israël serait humilié et embarrassé par cette défaite et la nouvelle se propagerait comme une traînée de poudre dans tout le pays de Canaan. Les ennemis d'Israël s'en réjouiraient. Un tel scénario indiquerait que le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, n'est pas capable d'accorder la victoire à son peuple. Cela ferait trembler de peur Josué et ses guerriers. Dieu savait que la défaite d'Haï se produirait. Par amour, Dieu a donc dit à Josué, « Rappelle-toi, Josué, sois fort et courageux, sans crainte, ferme et calme, qu'importe ce qui arrivera. Josué, sois fort et courageux. N'oublie pas, sois fort et courageux. » Dieu a répété son exhortation à Josué à 3 reprises parce qu'il aimait Josué. C'est la raison principale pour laquelle il a fait cela. Il aimait tellement Josué qu'il a voulu le rassurer. Il lui a donc répété ses paroles d'encouragement. Josué, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne te concentre pas sur les circonstances, fais simplement ce que je te dis. Tu remporteras des victoires et tu réussiras à conquérir la terre promise. Combien de fois Dieu a-t-il dû nous répéter la même leçon, le même message? Ne focalise pas sur les circonstances, mais fais-moi confiance. Je ne sais pas quels ont été vos sujets de prière récemment, ni à quel sujet vous avez cherché la volonté de Dieu, ni même à quelle épreuve vous faites face. Cependant, je peux vous assurer d'une chose. Premièrement, lorsque Dieu vous enseigne une chose, il répète la leçon plusieurs fois. Vous savez que le message vient de Dieu, même si les gens de votre entourage pensent autrement. Il est préférable d'obéir à Dieu parce qu'il connaît les conséquences de la désobéissance, alors que vos amis et vos ennemis ne les connaissent pas. Plusieurs personnes sont prêtes à nous conseiller. « Si j'étais à ta place, je ferais ceci, je ferais cela. » Habituellement, c'est la voix de l'ignorance que vous entendez, car ces personnes ne connaissent pas tout votre vécu. Elles ne savent rien de votre relation avec Dieu. Elles ne savent pas ce que Dieu fait dans votre vie. C'est facile de donner des conseils à quelqu'un. C'est pourquoi nous devons apprendre à écouter la voix de Dieu et nous rappeler qu'il permettra que nous fassions face à des circonstances dont nous ne sommes pas totalement responsables. À ce moment-là, il nous faudra du courage pour tenir ferme devant le diable qui s'oppose à nous. Parfois, il faudra tenir ferme contre les gens que nous aimons le plus. C'est ce qui nous arrivera. Deuxièmement, le courage d'obéir n'est pas indépendant de la parole de Dieu. L'Éternel a dit une chose simple à Josué. Il lui a dit que sa stratégie reposait sur la parole de Dieu. Nous savons que Josué ne possédait pas quelques livres de la Bible. Tout ce qu'il possédait, c'était les livres de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, des Nombres, de Deutéronome. La loi mosaïque, telle que Dieu l'avait donnée oralement à Moïse. Tout ce que Josué avait, c'était donc ce que Dieu avait donné à Moïse et ce que Dieu lui avait dit personnellement. Dieu nous a donné sa parole afin qu'elle nous serve d'encre. Elle se compare à une ancre de bateau. Lorsqu'une tempête s'élève, vous n'êtes pas entraîné à la dérive si vous êtes bien ancré dans la parole. Si notre relation avec le Seigneur Jésus est saine et si nous connaissons les Écritures, nous pouvons faire face à n'importe quoi. Ce que Dieu a dit à Josué dans le texte est très intéressant. Dieu lui a simplement dit « Josué, voici ma stratégie ». Il a ajouté, « Ne l'oublie pas. Tout ce que je te demande, c'est de méditer ma parole quotidiennement. Je veux que tu la médites le matin, le soir et pendant la journée. Lorsque tu prendras une décision, je veux que tu l'examines à la lumière de ma parole. Chaque fois que tu feras face à une crise, je veux que ta réaction naturelle soit de me demander, « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Écoutez le verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a dit, « Je te promets que si tu fais ce que je te dis de faire, tu auras du succès. N'écoutez pas ce que disent les autres, fais ce que je te dis, aie le courage de m'obéir. » Et au verset 8, Dieu a ajouté ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mes amis, sans méditer la parole de Dieu, nous ne pouvons pas marcher courageusement et victorieusement. Si vous ne méditez pas la parole, oubliez toute marche par la foi. Cela ne se produira pas. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Il a dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, rapportée par l'évangéliste Matthieu, chapitre 4, verset 4. En fait, Jésus a cité Deutéronome, chapitre 8, verset 3. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation que Dieu nous a donnée de lui en parlant à des hommes qui l'ont écrite. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je le répète, Matthieu 4:4, Dieu a dit, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Le psaume 119, le verset 130. Quelle est cette lumière qui nous éclaire? Ce sont les pensées de Dieu. Lorsque nous méditons la parole, nous découvrons ce que Dieu pense. Nous découvrons ce que Dieu dit que nous sommes. Quelle devrait être notre réaction? Ce que nous devons faire et comment nous devons fonctionner. Ce que Dieu a dit à Josué s'applique à nous autant que toute autre écriture. Chaque jour, nous devrions méditer la parole de Dieu, la vérité. L'obéissance prouve que nous sommes chrétiens. Nous pouvons affirmer que nous croyons en Dieu, mais si notre foi ne conduit pas à l'obéissance, nos paroles ne sont que du vent. Relevez le défi que vous propose Charles Stanley et ayez le courage d'obéir à Dieu, peu importe ce qu'il demande. Qu'importe ce à quoi vous devez faire face, rappelez-vous des paroles que Dieu a dites à Josué dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Charles Stanley a souligné ce fait. La foi et l'obéissance vont de pair. Sur ce point, il est entièrement en accord avec Jacques, le frère de Jésus-Christ. Nous lisons dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, versets 14 et 18, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres ». Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Si nous disons que nous avons la foi, que nous faisons confiance à Dieu, et que nous ne lui obéissons pas, nos paroles ne sont que du vent. Si je fais confiance à mon médecin, je vais suivre ses conseils et prendre les médicaments qu'il m'a prescrits. Si je ne lui fais pas confiance, je vais consulter quelqu'un d'autre. Si vous écoutez une voix autre que celle de Dieu, cela signifie que vous ne lui faites pas confiance. Votre cœur est ailleurs. Ne prétendez pas, dans ce cas, avoir la foi. Charles Stanley a raison de dire que nous ne pouvons pas obéir sans connaître Dieu à travers sa parole, soit la Bible. Notre foi doit avoir un objet, et cet objet est Dieu et sa parole. Sans méditer et connaître la parole de Dieu, nous n'arrivons pas à obéir à Dieu, car nous ne pouvons pas faire confiance à une personne que nous ne connaissons pas. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.